Ici Charles Tisser. Vous écoutez CKRL 89,1, la radio des découvertes. Bonjour, ici Valérie Levé sur les ondes de CKRL 89.1 et c'est l'heure de Futur Simple, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Une émission à consonance animale aujourd'hui, puisque nous allons faire plus ample connaissance avec les bœufs musqués du Nunavik et avec le panda. Les bœufs musqués, ce sera à 18h30 avec Rachel Guindon, qui est étudiante à la maîtrise au laboratoire Caribou Ungava. Et le panda, c'est pour maintenant. On l'aime bien, ce grand nounours noir et blanc. On le connaît comme le logo de la WWF, le Fonds mondial pour la nature. On le connaît aussi comme mangeur de bambou, mais à part ça, que savons-nous de nous, de lui ? Le panda présente pourtant une énigme, car en tant qu'ours, il est classé parmi les carnivores, mais dans la réalité, comme il ne mange que du bambou, c'est un herbivore. Alors les biologistes ont résolu cette énigme, et parmi eux Cyril Barrette, qui est professeur émérite de biologie à l'Université Laval, et il vient d'écrire un ouvrage intitulé « L'étonnant panda », aux éditions Multimonde, dans lequel il raconte comment l'évolution a bricolé pour transformer ce carnivore en herbivore. Alors Cyril Barrette est longuement venu à Futur Simple il y a quelques années, avant la pandémie. Il parlait d'évolution, de comportement animal, et je suis très heureuse aujourd'hui de l'accueillir à nouveau pour qu'il nous présente le panda. Bonjour Cyril. Oui, bonsoir Valérie. Alors parlant de présentation du livre, présentation du panda, il va falloir lui présenter le panda pour qu'on lui donne son juste nom, parce que j'ai appris en lisant le livre qu'il y avait deux pandas, oui. Un petit et un grand. C'est ça, jusqu'à maintenant, jusqu'à là c'est simple, on a un petit et un grand, un noir et blanc et un roux. Ce qui est un peu bizarre là-dessus, c'est qu'on a nommé les deux animaux avec le même nom vernaculaire, même s'ils sont très, très, très différents. Mmh. Alors, l'image qui me vient, c'est comme si on avait découvert un animal de très grande taille en Afrique, on l'appelle un éléphant. Quelques années plus tard, on en trouve un autre de grande taille, puis on l'appelle encore éléphant, même si c'est un rhinocéros. Donc, c'est un peu ce qu'on voit avec le panda. Il y en a un qui ressemble à un ours, l'autre qui ressemble à un raton laveur, puis malgré ça, on leur donne le même nom commun. Donc, ça nous met un peu dans la difficulté de savoir qu'est-ce qu'un panda, comment définir un panda. Mm. Est-ce que c'est un, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est un mélange des deux? Voilà. Donc, même pour le nom vernaculaire, le nom commun, mais on a ce problème-là. Évidemment, on a inventé des noms latins, grecs et latins pour les désigner. Là, on n'a pas de problème, on sait de quoi on parle. Alors que là, le fait de les appeler tous les deux des pandas, ça embrouille un petit peu le début de l'histoire. C'est ça, mais est-ce qu'il y en avait un? J'avais l'impression qu'il y en avait un, c'était le grand panda. Donc celui qui mange les bambous, c'est le grand panda. Et l'autre, en fait, le roux, il ne mange pas de bambous? Il mange presque autant de bambous que le grand panda. Mais évidemment, donc il en consomme beaucoup moins. Il est très arboricole, il grimpe aux arbres facilement, un peu comme d'autres petits carnivores. Donc les deux sont des brouteurs, si on veut, de bambous. Mais l'autre n'appartient pas à la même famille, parce que donc le grand panda, là, on va dire le panda tel qu'on l'imagine, lui, il fait partie de... Alors c'est l'ordre des carnivores? Je ne sais plus si c'est l'ordre de la famille. L'ordre des carnivores, la famille des ursidés. La famille des ursidés avec les autres ours. Avec les autres ours, les sept autres espèces d'ours vivantes. D'accord. Et l'autre, le petit panda, lui, c'est pas un ursidé. Non, c'est ce qu'on appelle un procyonidé. Donc, c'est la famille qui inclut le raton laveur, le coati et des animaux du même genre d'Amérique centrale. D'accord. Donc, j'ai envie qu'on fasse un petit peu connaissance avec cette famille des ours. Donc, il y a sept ours. Donc, on connaît l'ours ici, l'ours noir d'ici, l'ours le grizzly, l'ours polaire. Les autres, c'est qui? Il y a un tout petit ours malais, ours des cocotiers, qui est le plus petit de la, famille, qui pèse à peine 40 kilos, par rapport à l'ours polaire qui en pèse 400. Donc, on voit qu'il y a une grande, étendue de, taille. En Amérique du Sud, il y a un ours, l'ours à lunettes. Et dans le reste, en Asie, il y a les quatre autres espèces. Donc, le panda, l'ours du Tibet, l'ours lipu, qui mange surtout des insectes. Donc, le panda se retrouve une espèce parmi les huit espèces d'ours. Ouais. Et l'ours qu'il y a en Europe, en Russie, puis en Europe, il y avait des ours jadis en France, ou même en Italie, en Espagne. Ouais. Donc, c'est lequel, celui-là? C'est la même espèce que le grizzly d'ici, c'est l'ours brun. D'accord. En plus petit? Pardon? En plus petit? C'est une des espèces d'ours qui a une très grande étendue, une grande variété de taille corporelle. Alors, il y a des formes qui sont relativement petites, à peine plus grandes que l'ours noir d'ici, alors que d'autres, l'ours Kodiak, entre autres, une île au large de l'Alaska, là, il est deux fois plus gros que l'ours brun qu'on voit en Europe, par exemple. C'est toujours la même espèce, mais avec une grande diversité de taille et d'environnement et une aire de répartition qui est circumpolaire. Donc, tous ces ours, cette famille des ours fait partie donc de l'ordre des carnivores. Donc là, les carnivores, ça veut dire qu'ils ont une constitution particulière pour manger de la viande. Ça se définit comment, là, ces carnivores? Parce que, de ce que je comprends, il n'y a pas que des mangeurs de viande dans les carnivores. Bien, si on regarde au niveau de l'anatomie, la définition centrale d'un carnivore est fondée sur l'articulation de la mâchoire, qui a la forme d'une penture, là, une baguette cylindrique qui rentre profondément dans une gouttière. Il y a deux dents particulières qu'on appelle les dents carnassières qui servent à manger de la viande. C'est toujours la quatrième prémolaire d'en haut et la première molaire d'en bas. Donc, à partir du moment où on voit que ces dents-là sont la quatrième prémolaire et la première molaire, on dit que c'est un carnivore. Si c'est une autre paire de dents qui sert de sécateur pour couper la viande, c'est un animal carnassier, mais qui appartient à d'autres familles. Donc, parmi tous ces animaux-là sont maintenant disparus. Mais on voit qu'il y avait d'autres formes de mammifères carnassiers qui ne sont pas des carnivores au sens strict. D'accord. Donc, parmi les ours, qui font partie des carnivores, on voit qu'il y en a au moins deux qui ne sont pas vraiment des carnivores. L'ours lipu qui mange des insectes. Ouais. Ça, j'ai été surprise d'apprendre qu'il y avait un ours dont le régime était principalement composé d'insectes. Ouais. Et puis, il y a le panda qui mange des bambous. Et tous deux ont des adaptations particulières pour manger des insectes ou du bambou. Oui, c'est ça. Alors, l'ours lipu, son nom vient du fait que ses lèvres sont très développées. Il mange des insectes sociaux, des termites et des fourmis en vrac, sans les mastiquer. Donc, son museau avec les lèvres agit comme un aspirateur. Donc, il aspire les insectes et le sol par inadvertance. Et donc, son régime est très particulier. C'est une forme de carnivorie, si on veut. Mais où les proies sont minuscules par rapport aux prédateurs. Ça évoque un peu la relation entre le krill et les baleines à fanon. Ah oui. Elles aussi aspirent en vrac la nourriture. Ah oui. Donc, c'est une forme de carnivorie, si on veut, mais c'est pas un carnivore au sens où on l'entend d'habitude. On le voit pas attaquer des proies, etc. Il va falloir qu'il en mange quand même beaucoup mange beaucoup. Quand il a de la difficulté à en trouver, il peut avoir jusqu'à 20-25 % de son régime qui est constitué de fruits. Il faut que les fruits soient abondants. Mais sinon, il broute pratiquement jamais d'autres sortes de végétation. Et il est inféodé à un type d'insecte particulier ou il mange tous les insectes qui lui passent par le bout des lèvres? Ben, c'est pas très efficace pour lui de manger un insecte à la fois. Donc, il s'attaque à des nids de fourmis, des nids de termites. Okay. Et là, il est très, très fort. Il y a des griffes aux mains qui sont très développées. Il peut facilement détruire la surface d'une termitière ou d'un nid de fourmis. Et puis, il avale tout. Là, il peut avoir un festin de fourmis ou de... festin, effectivement. Il ne les mange pas une par une. En tout cas, j'ignorais complètement qu'il pouvait y avoir un ours qui mangeait, qui était insectivore. Donc, venons-en maintenant au panda. Donc, ce carnivore-là, bon, il fait partie des carnivores, donc il est conçu, je ne sais pas si je dois dire ça, pour être carnivore, mais qu'est-ce qui lui manque en fait en tant que carnivore pour pouvoir manger, assimiler du végétal. En gros, il lui manque deux caractéristiques ou deux adaptations. Il lui manque les dents qui servent à moudre la végétation. Et c'est important de moudre la végétation, un peu comme on doit moudre le café pour extraire la saveur. Donc, il lui manque ces dents-là. Il y a des dents excellentes pour écraser le bambou, mais pas pour le moudre du tout. Et ensuite, il lui manque dans son système digestif une chambre de fermentation où il y a un microbiote qui peut digérer la cellulose. C'est ce qu'on trouve chez les autres herbivores. Lui, il n'y a pas ça. Donc, il ne peut pas être un herbivore comme les autres. Donc, à ce moment-là, il a fallu bricoler. C'est là qu'on dit que l'évolution a dû bricoler à partir de ce qu'il y avait. C'est un peu, on ne sait pas trop comment parler. Est-ce qu'à partir de ce que l'évolution avait sous la main avec le panda, bricoler quelque chose qui fonctionne? Mais c'est un peu ça. La sélection naturelle bricole à partir de ce qu'elle a hérité de la génération précédente. Donc, elle est limitée dans les matériaux disponibles. Il y a des contraintes mécaniques qui sont imposées. Mais elle arrive à finir par bricoler quelque chose qui est nouveau, qui est performant. Chez le panda, il y a plusieurs choses qui ont été bricolées, entre autres au niveau de la mastication. Les dents sont énormes. Le crâne est très robuste. Par exemple, un crâne de panda pèse deux fois le crâne d'un ours noir qui pourtant est un carnivore vigoureux et qui est de la même taille. Donc, le crâne est beaucoup plus costaud. Les muscles de mastication sont énormes. L'articulation de la mâchoire est très, très robuste. Donc, toutes sortes d'adaptations qui font qu'il peut pas moudre le bambou, mais il est un excellent écraseur ou broyeur de bambou. En quoi ça sert, en fait, le fait que le crâne soit plus lourd, c'est que ça fait plus de poids quand les dents écrasent le bambou? Le fait que le crâne soit plus volumineux, d'abord, ça fait des plus grandes surfaces d'ancrage des muscles de mastication. Et le fait que le crâne et les os sont très denses, ça ajoute la robustesse pour faire en sorte que les muscles énormes puissent travailler. Les muscles de mastication sont très, très gros. C'est ce qui donne la tête très ronde au panda. Ouais. Les muscles sur le dessus de la tête et ceux sur les joues, ces muscles-là sont beaucoup, au moins deux ou trois fois plus volumineux que chez un ours noir, qui est encore une fois de la même taille, puis qui est réputé pour être capable de mordre très fort. Donc, voilà. Et au niveau des dents, parce que les mammifères, les ruminants, on voit les vaches, là, elles tournent la mâchoire, là, et on dirait que ça tourne la mâchoire en rond. Le panda, est-ce qu'il fait ça? Non, il fait pas ça du tout. Il peut seulement fermer la mâchoire, il peut seulement écraser. Mais là, il y a des subtilités que je peux pas expliquer à la radio parce que c'est trop fin. C'est des petits bricolages très efficaces de la sélection naturelle qui font en sorte que quand l'animal ferme la gueule, les dents du bas ne montent pas parfaitement à la verticale vers les dents du haut, mais la mâchoire bascule un peu vers l'avant et un peu sur le côté, ce qui donne un effet de broyage un peu. C'est ce que j'appelle l'effet préjus. Oui. Si on pense à des préjus très, très simples en plastique ou en métal qu'on utilise, on voit bien que c'est pas efficace de simplement presser le citron vers le bas. En pressant, on le tourne. C'est exactement ce que le panda fait. En fermant la gueule, il écrase le bambou. Et parce qu'il y a une petite composante horizontale vers l'avant ou vers le côté, ça déchiquette un peu le bambou, beaucoup mieux que si simplement il l'écrasait. Okay. Alors, faut le voir pour le croire, là, parce que c'est très, très fin. On parle de quelques millimètres vers l'avant, quelques millimètres vers le côté. Mais comme le panda va mordre du bambou des milliers de fois dans une journée, ça finit par faire une différence. L'outil est beaucoup plus efficace que si simplement il pouvait écraser. Et les dents, sinon, elles, est-ce qu'elles sont faites pareilles que les dents des ruminants? Non, pas du tout. Les dents de presque tous les autres herbivores, que ce soit un castor, un mulot, un éléphant, un kangourou, les dents, au point de vue mécanique, ont toujours le même principe. Le plateau de la dent est fait d'une alternance de crêtes d'émail très dures et de creux de ciment et de dentites plus mous. Donc, ça donne une surface rugueuse, et c'est en frottant les dents qu'on arrive à moudre la végétation. Alors que le panda il y a des dents qui sont d'abord énormes et qui ont un relief très accidenté et qui font un effet, la meilleure métaphore que je peux utiliser, c'est un pilon et un mortier. Donc, le bambou est écrasé beaucoup plus efficacement parce qu'il y a toute une série de bosses et de creux, comme un pilon mortier, qui déchiquette là aussi le bambou. Mais il peut absolument pas les frotter à cause de l'articulation de la mâchoire qu'il a hérité des carnivores, il ne peut pas déplacer la mâchoire d'arrière en avant ou de gauche à droite comme nous, on peut le faire. Mmh. Donc, c'est un presse-jus et c'est un pilon mortier. Puis, on lit aussi que c'est un casse-noix. Oui, si vous avez en tête des images d'un panda qui est en train de manger, on voit ça dans les reportages un peu partout, vous noterez qu'il fait un effort pour pousser le bambou le plus loin possible vers l'arrière pour pouvoir utiliser... D'abord, les molaires arrière sont plus grosses et sont plus proches de l'articulation de la mâchoire. Donc, si on pense en termes de levier ou d'un casse-noisette, c'est beaucoup plus efficace mécaniquement de casser ou de mordre proche de l'articulation que loin de l'articulation. Donc, il profite de tous ces petits détails-là pour faire, encore une fois, qu'il est un excellent écraseur, un excellent broyeur, mais qu'il n'arrive pas à moudre du tout le bambou. Oui. Donc, ça, c'est pour la partie, mastication, en tout cas, travail, broyage du bambou. Après, le bambou, il arrive dans le système digestif. Et là, à nouveau, le pauvre panda, il n'est pas équipé pour digérer toute cette cellulose, pour traiter tout ce matériel-là qui lui arrive. Il n'est pas équipé du tout. Il a un système digestif de carnivore, exactement comme les autres ours ou comme un loup, etc. Et donc, il n'a pas du tout de chambre de fermentation de la cellulose. Donc, il ne peut pas digérer la cellulose, ce qui fait qu'il digère à peu près seulement 17 % de ce qu'il mange, ce qui est absolument incroyable. Donc, il doit manger des quantités colossales. Donc, le bambou n'est pas un très bon aliment pour lui. Il le digère très mal. Mais le truc qu'il a trouvé, c'est d'accélérer le transit digestif. C'est-à-dire qu'il mange des grandes quantités tous les jours. Donc, il évacue des fesses en arrière en grande quantité tous les jours. Et il se contente d'extraire le jus du bambou, la sève du bambou. Donc, si on veut résumer en termes un peu de caricature, mais qui décrit très bien la situation, qu'est-ce qu'un panda? C'est un presse-jus qui transforme du jus de bambou en panda. Ça se limite à ça. Mais il le fait avec une grande efficacité, avec une grande finesse. Autrement dit, il ne perd pas son temps à essayer de faire quelque chose avec les 83 % du bambou dont il ne sait pas. Il ne peut rien faire. Il évacue ça tout de suite. Il peut rien faire. C'est complètement indigeste pour lui. Donc, il l'évacue puis il fait rentrer du nouveau bambou. Ah ouais, c'est ça. 15 heures par jour. Et puis donc, c'est d'où l'intérêt aussi de l'intestin court, parce qu'on lit dans votre livre qu'il a un intestin assez court par rapport aux ruminants, parce que justement, c'est un carnivore. Donc, c'est pour évacuer plus rapidement. Oui. Alors, ce qui laisse penser, donc, que la sélection naturelle a travaillé sur la longueur d'intestin pour accélérer encore plus le transit digestif. Son intestin est plus court que celui d'un ours noir de même taille. Donc... Ça ne servait à rien d'en avoir un plus long? Ça ne sert à rien. Ouais. Ça ne sert à rien. La cellulose séjournerait dans le tube digestif pour rien, puisqu'il ne peut rien faire avec. Quand je dis rien, c'est pas tout à fait... Il peut digérer un petit peu la cellulose, mais presque pas. Mais là, il vit donc... Le panda, il vit dans des forêts de bambou. Les forêts de bambou, en fait, c'est... Il y a juste du bambou ou il y a d'autres choses qui poussent dans les forêts de bambou? Il y a plein d'autres végétations. Le bambou pousse en talles et puis éparpillé dans la forêt. Donc, il y a beaucoup d'autres végétations. Qu'un ours noir pourrait très bien consommer. Notre ours noir à nous, dans une forêt comme celle-là, aurait de la nourriture très diversifiée. Pour des raisons qu'on ne connaît pas exactement, le panda est comme limité au bambou. Si le bambou vient à disparaître, on a observé à quelques occasions qu'il va mourir de faim, alors que pour un ours noir, il y aurait plein de végétation, encore même plus riche que le bambou, plus facile à digérer, des fruits, des feuilles, des bourgeons, des nouvelles tiges, etc. Le panda touche pratiquement pas à ça. Les mesures qui ont été faites montrent que 99 % de son énergie, ce qui n'est pas rien, vient du bambou, alors qu'il vit dans une forêt où il y a plein d'autres végétations qui seraient nutritives. Ouais, donc malgré le fait qu'il ne digère que, qu'il ne tire de l'alimentation des substances que de 17 % du bambou, il a d'autres végétaux à sa disposition, mais ça doit être encore moins efficace à ce moment-là, ça ne l'intéresse pas. Mais si on fait une analyse chimique de ces autres végétaux-là, ils devraient normalement être plus digestes. Plus facile à transformer puis à assimiler. Encore une fois, même pour un ours noir ou même pour un loup qui serait dans un milieu comme celui-là, en absence de proie, pourrait survivre un certain temps en broutant cette végétation-là. Le bambou est particulièrement difficile à digérer parce qu'il y a énormément de cellulose, de fibres de cellulose. Alors, ça ajoute au mystère de l'insistance que le panda a pour le bambou. Exactement. On se demande pourquoi l'évolution n'a pas bricolé quelque chose pour lui permettre de pouvoir profiter des autres sources de végétation qui sont autour. Mais la seule explication qu'on peut voir, qui n'est pas très satisfaisante, mais c'est la seule qu'on connaît, c'est que l'avantage du bambou, c'est que c'est une plante qui est très abondante, qui pousse très rapidement. Et à l'année longue, on trouve du bambou à manger. Mmh. Donc, c'est une nourriture qui est pauvre, mais très abondante et facile à récolter. Mmh. Mais c'est pas une explication très satisfaisante quand on voit l'agilité de la sélection naturelle à bricoler d'autres adaptations. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas permis aux pandas d'avoir l'idée de manger autre chose que du bambou? Ça, c'est un mystère. Bah, c'est parce que, comme vous l'avez déjà dit, l'évolution naturelle n'a pas de dessin. Non plus. C'est ça. Et puis, elle est très limitée. Il n'y a pas d'idée, non? Non, elle est très efficace, mais très limitée. Elle travaille très lentement, uniquement à partir du matériel hérité des générations précédentes. Mais ça ne permet pas de comprendre pourquoi le panda est obsédé par le bambou. Alors, il y a autre chose aussi dont on a entendu parler avec le bambou, puis que vous expliquez aussi dans votre livre, c'est le fameux pouce du panda. Oui. Bon, l'idée a été vulgarisé déjà par Stephen Jay Gould, je crois. Exact. Donc là, c'est quoi ce pouce? C'est un deuxième pouce qui lui a poussé? C'est un deuxième pouce qui est juste à côté du vrai pouce. Le vrai pouce du panda, c'est un doigt qui ressemble aux autres avec une griffe, etc., qui n'est pas agile du tout. Le deuxième pouce, c'est un petit os du poignet qu'on voit chez les autres carnivores et chez les autres ours, mais qui est très, très petit chez les autres ours. Chez le panda, il s'est allongé. Ça s'appelle le sésamoïde radial du côté du radieux, du côté du pouce. Chez le panda, il s'est allongé. Il y a des muscles qui sont associés. Et quand on regarde la main du panda, on regarde la paume de la main de l'extérieur, ce qu'on voit pour ce pouce, c'est comme une grosse verrue que l'animal peut replier contre la paume de la main avec beaucoup de force pour tenir les tiges et les feuilles de bambou. Et ce pouce, c'est une des clés de l'énigme du panda. S'il n'avait pas ce pouce, il ne pourrait pas être sélectif dans son choix des parties du bambou les plus nutritives. Donc, il ne pourrait pas exister. Mm. Déjà, avec le pouce qui lui permet d'être sélectif, il doit manger 15 heures par jour les parties les plus nutritives du bambou. Donc, il digère seulement 17 %. S'il n'était pas sélectif et qu'il mangeait n'importe quelle partie du bambou au hasard, il digérerait peut-être 10-12 %. Donc, il ne pourrait pas survivre en mangeant seulement du bambou. Mm. Le pouce est vraiment un élément clé. Mm. Mais ça veut dire qu'il mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de il déchiquette beaucoup de bambou finalement pour réussir à vivre. Est-ce que ça met pas en danger le bambou? Est-ce qu'il reste encore des bambous quand le panda a fini de manger? Oui, parce qu'encore une fois, c'est une plante qui est très abondante, qui se reproduit rapidement, qui croît rapidement. Et il n'y a pas suffisamment de pandas. Les densités de pandas sont beaucoup trop faibles, même dans le passé, pour pouvoir avoir un impact. J'ai vu aucune littérature où on a mesuré ça, mais j'ai l'impression que le panda, même dans les endroits où la densité est la plus élevée, doit utiliser quelques pourcentages du bambou qui est disponible. Donc, ça n'a pas d'impact sur le bambou. Ça ne menace pas le bambou. Je disais, le titre de votre livre, c'est « L'étonnant panda », mais il y a un sous-titre qui est « Erreur de la nature ou merveille de l'évolution ?» Alors, je vous pose la question, est-ce que c'est une erreur de la nature ou une merveille de l'évolution? Oui, mais d'abord, la question se pose parce que dans l'esprit du public, et puis normalement, on voit le panda qui mange une nourriture très pauvre, qui digère très mal. On associe ça au fait qu'il est en voie d'extinction. Puis là, on fait une relation de cause à effet, puis on dit qu'il doit être en voie d'extinction parce qu'il s'obstine à manger une nourriture qui est pauvre pour lui. C'est pas vrai du tout. Ça serait une erreur de la nature, mais on voit pas ce genre d'erreur dans la nature. La sélection ne fait pas ce genre d'erreur. Mmh. Au contraire, il est très bien adapté à manger du bambou. Son problème vient du fait qu'il est très mal adapté à nous. C'est parce qu'on détruit son habitat, puis on détruit le bambou, puis même le réchauffement climatique est présumé de commencer à nuire à l'aire de répartition de certaines espèces de bambou que le panda mange. Mais donc, nous sommes le problème du panda. Ouais. Et évidemment, nous sommes aussi la solution potentielle éventuellement, parce que la sélection naturelle ne pourra pas l'adapter à notre présence suffisamment rapidement. C'est ça, exactement. Elle ne travaille pas assez vite. Elle travaille bien, mais pas assez vite, la sélection naturelle. C'est un modèle pour une attitude zen. Oui, très bien. Alors voilà, ça nous a permis de faire plus ample connaissance avec le bambou, puis je crois que ça peut nous donner encore envie d'en faire plus ample connaissance en lisant votre livre. Donc je rappelle le titre « L'étonnant panda ». C'est paru aux éditions Multimonde et je pense que le lancement du livre a lieu jeudi. Jeudi, oui. Jeudi où? À la librairie Zone, à l'Université Laval. À quelle heure? 16h30. Voilà, donc rendez-vous 16h30, ce sera peut-être une belle occasion de vous rencontrer également. Ça me fera plaisir. Alors, rendez-vous est pris pour ceux qui veulent rencontrer Cyril Barrett, découvrir ce livre, L'étonnant panda, paru aux éditions Multimonde. Je vous remercie beaucoup, Cyril Barrett, d'être revenu au micro de Futur Simple pour nous présenter ce livre. Merci à toi et bonne soirée.